une histoire particulière. Hier, dans notre histoire du week-end, Lénora Krief et François Test vous ont emmené dans les méandres de l'histoire d'un lieu incroyable en France, la maternité de La Morlaix. Et pas n'importe laquelle, puisque nous apprenions hier, dans le premier épisode, que cette maternité a été inaugurée le 6 février 1944. C'est l'unique Lebensborn existant en France, créé par les nazis pour fabriquer des enfants de race aryenne. Dans ce lieu, qui ressemble plus à un manoir qu'à une maternité, perdu dans la forêt, nous avons découvert la vie quotidienne de ses occupants, le traitement des mères et des nouveau-nés et le fonctionnement du service médical. Aujourd'hui, second épisode, nous partons à la rencontre de deux enfants nés au manoir du Bois Larisse. En 1935, sous le Troisième Reich, un projet secret est mis en place. Le but est de créer une race aryenne supérieure et pure à partir d'enfants blonds aux yeux bleus. More than 20,000 babies were born in the Nazi birth houses. They were the product of a disturbing mission that had been started 10 years earlier, the Lebensborn. Le manoir de Bois Larisse, aujourd'hui, les enfants du Lebensborn. Par Lénora Krief et François Test. Jean-Pierre, on a sous les yeux une carte où vous avez retracé le chemin de votre petite enfance. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on sait que je suis né à Argenteuil maintenant. Mais finalement, le point de départ de ma promenade pendant 2 ans, si on peut appeler ça une promenade, c'est La Morlaix. À La Morlaix, on m'y dépose en décembre 43, 8 jours après ma naissance. En mai 44, les Allemands décident de fermer ce Lebensborn. On sait ce qui arrive. Il y a le débarquement un mois suivant. Donc on part par convoi routier, par les petites routes. C'est ça qu'il faut bien expliquer. On met beaucoup de temps par les petites routes jusqu'à Wiesbaden. Voilà. C'est le point B. C'est le point B. Et de B, on va aller à C. Ça s'appelle Schalkhausen. C'est du côté de Nuremberg. Et après, on repart. Et on repart sur Munich. Alors, Munich, c'est le fameux Lebensborn, l'origine des Lebensborn, construit en 1933. Steinering. Steinering. C'est ici que les Allemands abandonnent les enfants. Puis après, tous ceux qui sont dits français, c'est-à-dire des Belges aussi, eh bien, nous allons aller à Tübingen. Et puis, direction Nancy et Commercy. À partir de là, nous sommes placés dans des familles en vue d'être adoptés. Et c'est là où ma mère adoptive est venue me chercher. Des bambins transbahités d'une maternité SS à l'autre à travers le Reich en décomposition, puis rapatriés en Bavière à Steinering. Jean-Pierre devait former avec des milliers d'autres en Europe la première génération de cette expérience inédite du Lebensborn, ce qu'on appelait les enfants d'Hitler. Environ 20 000 enfants ont vu le jour dans ces maternités SS, dont une vingtaine environ à La Morlaix, au manoir de Bois Larisse. Si les Allemands notaient tout scrupuleusement, ils se sont aussi appliqués à détruire toute trace possible de cette institution. À la fin de la guerre, ils ont voulu tout faire disparaître jusqu'à l'identité de ces jeunes. Alors, où sont-ils nés? Que savent-ils de leurs parents? Furent-ils abandonnés ou élevés par leur mère dans le silence? Certains sont aujourd'hui partis en quête de leurs origines. Donc je m'appelle Boris Thiollet et je suis grand reporter, comme on dit, à l'Express, et je travaille au service investigation. Il y a eu quand même très peu d'écrits sur le Lebensborn, et les rares livres ou documentaires qui ont été faits s'intéressaient évidemment en priorité aux maîtres du Lebensborn, c'est-à-dire ses officiers SS, les généraux SS, etc. Et finalement, il y avait peu de choses sur les enfants. Et moi, je me suis dit que j'allais voir s'il y avait moyen de retrouver les enfants francophones. Donc, a priori, des enfants ou nés d'une mère française ou d'une mère belge francophone, sachant qu'il y avait effectivement eu une maternité en France, donc à La Morlaix, qui est une petite commune champêtre à côté de Chantilly, au nord de Paris. Statistiquement, c'était des gens donc, qui avaient un peu moins de 70 ans ou autour de 70 ans. Donc logiquement, il pouvait être en vie. Donc il restait à savoir s'il y avait moyen d'en retrouver. Voilà, c'était ça un peu l'idée de départ. Parmi les enfants nés à la Morlaix, les noms que vous avez retrouvés, il y avait celui d'Erwin Grinsky. Erwin Grinsky, c'est donc l'une des personnes nées à la Morlaix que j'ai retrouvée, identifiée. Et je lui ai appris qu'il était né, oui, dans une maternité SS. Il en avait conscience, il savait que son père était allemand. Et oui, je lui ai confirmé qu'il était bien né dans cet endroit qui, à l'époque, était bien à Lebensborn. Donc il avait une... Je pense qu'il n'avait pas pris la mesure de ce qu'était le Lebensborn, cette espèce de projet totalement fou, délirant. Je m'appelle Erwin Grinsky et je suis né à la Morlaix dans l'Oise et que je suis ici en Avignon depuis 1947. J'ai fait ma vie comme ça. Je me suis marié en 1967 et j'ai fait une partie de mon voyage de noces en Allemagne. Ma mère ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit de la Morlaix, hormis que j'étais né dans un château du chocolat Meunier. Voilà, c'est tout. Mais elle m'a pas dit que c'était à la Morlaix ou ailleurs. Elle a gardé son secret jusque dans sa tombe. Elle est morte en 2007. Des Lebensborn, j'avais jamais entendu parler de ça et ma mère ne m'avait jamais dit là-dessus quoi que ce soit. Et elle ne vous parlait pas de votre père, alors vous vous posiez pas de questions sur votre père? Ah ben, quand j'ai posé la question, elle me disait qu'une chose, tu as le même caractère que ton père. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a répondu. Et vous sentiez qu'un secret planait autour de vos origines? La première fois que je me suis rendu compte que j'étais différent, blond aux yeux bleus, et c'est quand je me suis retrouvé chez mon oncle dans l'Ardèche, et que là j'allais à l'école, et qu'on m'a traité de sale boche. Mais je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Il a fallu que je tombe sur ce gars qui me traite de sale boche pour que je commence à ruminer. Il y a eu deux événements importants aussi qui vous ont mis le doute. Un jour, vous avez sorti votre acte de baptême et votre mère a réagi à ce moment-là. C'est elle qui avait sorti mon acte de baptême. J'avais 16 ans à l'époque. Ma mère, elle voulait me faire faire une carte d'identité. Sur l'acte de baptême, j'ai vu marqué Erwin Constant Jean Schmitt. Donc, il n'y avait rien à voir avec Grinsky. Et là, ça m'a un peu turlupiné. Elle, devant moi, elle a déchiré cet acte de baptême, elle l'a mis au feu, et elle m'a dit, personne ne doit jamais savoir. Voilà tout ce qu'elle m'a répondu. Pour moi, c'est mon géniteur, ça n'a jamais été mon père. Hein. Et elle m'avait dit aussi que de son côté, il était marié et qu'il avait 4 enfants. Voilà, c'est tout ce que m'avait dit ma mère sur lui. Il y a eu 23 enfants qui ont séjourné à la Morlaix et 21 femmes, 21 mères. Généralement, les femmes rentraient au Lebensborn 6 semaines avant l'accouchement et pouvaient séjourner 6 semaines après la naissance. Et là, il y avait deux solutions. Soit elles repartaient avec l'enfant, parce que c'était un enfant qu'elles voulaient garder. Par exemple, la femme était l'épouse d'un SS, d'un membre de la Gestapo, d'un officier supérieur. Elle rentrait chez elle, elle rentrait à la maison. Et il y avait l'autre possibilité, qui était particulièrement diabolique, si je puis dire, c'est que l'enfant pouvait être abandonné et confié à l'institution du Lebensborn. Je me prénomme Jean-Pierre, j'habite dans la banlieue de La Rochelle, j'ai 75 ans. Carrière principale, j'ai été militaire dans l'armée de l'air. À quel âge est-ce que vous avez découvert vos origines et votre lieu de naissance ? J'ai toujours su que j'étais un enfant adopté. j'ai toujours su que j'étais un orphelin de guerre. Et je n'ai attendu que la retraite pour après faire des recherches. Donc ma mère adoptive était une infirmière et sage-femme de la Croix-Rouge qui, elle, pendant la guerre, était en Allemagne et donc m'a trouvé dans une pouponnière en Allemagne, en Forêt-Noire, à Tübingen. Et j'ai fait partie d'une famille ou d'une fratrie puisqu'elle a adopté 4 enfants, tous d'origine différente, et je suis le second. Je suis arrivé à un but de savoir effectivement que j'ai eu un père, de savoir son nom et d'où il venait, et d'avoir une mère naturelle. Tous deux sont décédés. Le décès le plus récent est celui de ma mère en 2000. Donc vous voyez, j'ai fait des recherches un peu tardives pour arriver à rencontrer quelqu'un. Au moment où vous décidez d'entamer ces recherches, vous tombez sur votre dossier d'adoption et qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là ? Je suis allé aux archives départementales de la Meuse, qui sont à Bar-le-Duc. Et les archives départementales m'ont dit « Oui, monsieur, effectivement, nous avons un dossier portant votre nom, le nom avant mon adoption. » Donc c'était Pelu, mon nom de famille. Et on m'a ouvert le dossier et on m'a dit ben, on va ouvrir le dossier dans le sens inverse de la chronologie. Vous êtes déclaré né à Bar-le-Duc comme une 30aine d'enfants. Et c'est là, à la fin, où le plus dur arrive, c'est quand on vous dit, en ce qui me concerne, ben, vous venez d'un Lebensborn, le seul qui a existé en France, qui est à côté, dans la région parisienne, à côté de Chantilly. On appartient à cet ordre de par le sang, et symboliquement, il y a, qui plus est, un baptême SS. Donc voilà, il y a une cérémonie qui se déroule dans l'enceinte du Lebensborn. Il y a toute la petite communauté qui est rassemblée, donc les autres femmes en attente d'accouchement, les encadrants, éventuellement les autres enfants, s'ils sont encore là. Par définition, il n'y a pas toujours le père, puisque le père, parfois, évidemment, il a autre chose à faire. Le père, il fait la guerre, si je puis dire, ou il fait autre chose. Et donc, devant toute la communauté réunie, il y a le responsable, donc l'officier SS, qui prend le nouveau-né. Alors évidemment, il y a tout le décorum, hein. il y a les drapeaux nazis, il y a l'étendard de la SS, il y a évidemment un portrait d'Hitler, etc. Et donc, l'officier SS prend le nourrisson et lui met une dague SS sur le front, un peu comme on adouberait un chevalier, quoi, d'une certaine manière. Et puis, on récite 2-3 petites choses. Et donc là, l'enfant est consacré comme étant membre de l'ASS, et on est membre de l'ASS pour toujours, quoi. On n'en sort pas, on n'en dit pas, on fait partie d'un ordre sacré, quoi. Enfin, alors sûr, quoi. Un jour, donc, dès des Bundesarchives de Berlin, eh bien, j'ai reçu des documents et on m'a dit, bien, votre nom, c'était pas Pelu, mais c'était Palu. Et là, j'ai trouvé qu'une dame Palu, eh bien, avait accouché d'un enfant qui s'appelait Jean-Pierre P, qui avait été abandonné au Lebensborn de la Morlaix. Tiens, j'ai dit, et puis né le 15 décembre 43. Je dis, bon, ben, apparemment, c'est moi. Donc voilà comment j'ai appris. Et puis après, bien, j'ai appris qui elle était. Mais elle était donc une infirmière travaillant sur Paris qui avait rencontré un officier allemand de la gendarmerie qui s'appelait Dartsch. Et ils ont fait un enfant. Et c'est moi. Mais chacun de leur côté, pour mon père naturel, il était marié, il avait déjà 3 enfants. Pour ma mère naturelle, on a découvert ça un peu plus tard, mais elle en avait eu un avant moi. Et à partir de là, bien naturellement, quand on trouve une famille, quoi, des noms de parents, eh bien on recherche les familles s'il y a des survivants. Donc j'ai découvert, côté français, un survivant, un petit-fils à elle, et côté de mon père, une sœur. Est-ce que vous en savez plus sur votre père ? Est-ce que vous avez fait ces recherches-là ou c'était trop douloureux pour vous de creuser davantage sur la carrière de votre père ? Alors, moi, je suis en demande. De Résultat, à l'heure actuelle, sur mon père, je connais beaucoup de choses qui m'ont été dites donc par sa fille, sa vraie fille, puisque moi je suis le faux-fils, si on peut dire, ou le demi. Hein, donc j'ai appris son histoire. Mais ce que l'on ne sait pas, et que la famille allemande ne sait pas, c'est sa carrière militaire pendant la guerre. Et vous avez fait une carrière dans l'armée, comme votre père ? Ça vous a pas troublé ? Alors, c'est pas moi qui suis troublé, c'est tout le monde. Mais vous avez aussi retrouvé la trace de votre mère, et elle a reconstruit sa vie ensuite. Oui, elle a reconstruit sa vie en 1945, donc elle est rentrée d'Allemagne. Elle est allée, je pense, quelques mois en Allemagne. Et puis, comme elle n'a pas pu retrouver son ami, mon père, elle est rentrée en France, et en 1945, elle s'est mariée. Oui, parce que vous n'êtes pas arrêté à ces découvertes, vous avez souhaité rencontrer votre famille. Oui, naturellement, j'ai souhaité découvrir, et les deux familles, donc. Et en octobre dernier, nous sommes partis en Allemagne, et nous avons rencontré ma sœur et sa nièce à Dortmund. On a été très très bien accueillis, et ma sœur, en me voyant, a reconnu son père et son frère. Donc, pour eux, il n'y a plus de doute. Pour vous, c'est important de créer ce lien avec eux ? Mais pour moi, il est important de créer un lien. Parce qu'il démarre. Hein. On se connaît depuis 6 mois, à peu près maintenant. Et maintenant, je cherche à maintenir et améliorer cette relation familiale des deux côtés, du reste. Donc avant de partir là, après-demain, d'être à Dortmund, eh bien pendant, il y a 15 jours, nous étions dans le Calvados et du côté de Chartres pour voir mon neveu français. Donc un petit périple touristique sur la côte atlantique des plages du débarquement, et puis après, chez eux, pendant 2 jours... aussi. Et ils sont aussi très demandeurs, donc ça se passe très très bien. À la fin de la guerre, les Allemands ont cherché à protéger les enfants du Lebensborn et les ramener en Allemagne. Dans quel état ils ont trouvé ces enfants ? Tout se termine à Steinering, la maternité qui est installée dans ce village de Bavière, à 20 kilomètres de Munich. Et lorsque les Américains y arrivent, donc c'est de mémoire le 3 mai 1945, bah ils tombent sur une espèce d'endroit, c'est une pétaudière, puis il y avait a priori 300 enfants, des mères complètement désemparées, quelques infirmières, et puis donc Gregor Ebner, qui était le médecin-chef, qui lui assume, il est encore en uniforme. Visiblement, les Américains hésitent à le fusiller, puis finalement ils disent non. Bon, parce qu'ils vont comprendre, il va falloir que quelqu'un leur explique qu'en fait ils sont pas dans un orphelinat, ils sont pas dans une maternité classique, ils sont dans ce que certains soldats américains ont appelé une baby factory, donc une usine à bébés. Et ils tombent dans un endroit où il n'y a plus à manger, les mères deviennent dingues, les enfants sont dénutris. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que dans la psychologie nazie SS, comme ces enfants sont de bonne qualité génétique, ils sont racialement valables, comme ils disent, il n'y a pas besoin de les éduquer, pas besoin d'en prendre soin. Il suffit de leur donner des bonnes choses à manger, ils vont se développer tout seuls. Donc ces enfants n'ont pas de lien, les infirmières ne créent pas de lien affectif avec l'enfant. Donc ce sont des enfants qui n'ont pas l'habitude d'être pris dans les bras, d'être cajolés, d'être rassurés. Et donc ils fonctionnent comme un troupeau de petits animaux apeurés, qui se cachent dès qu'il y a le moindre bruit. Si l'un pleure, tout le monde pleure. Si l'un a faim, tout le monde a faim. Si l'un va à gauche, ils vont tout à gauche, à droite. Donc c'est une espèce de troupeau quasiment animal. Enfin, c'est horrible à imaginer. Donc les Américains tombent sur des enfants hagards. Bien évidemment, malheureusement, c'est le pied de nez de l'histoire. C'est que les enfants qui étaient dévolus à devenir la race supérieure, l'élite du monde, sont évidemment des enfants qui sont pleins de carences, bien évidemment, et physiques. Certains ont 4 ans, ils ne parlent pas, ils parlent à peine, ils bredouillent. puis des carences affectives énormes. Quand on récupère ses enfants, ils sont mal en point. Par l'intermédiaire de la journaliste avec qui je suis en rapport, toujours, Anna Andlauer, elle m'a envoyé un compte-rendu qu'elle a retrouvé, écrit par Greta Fischer, responsable de l'UNRWA. Alors l'UNRWA, c'était un peu l'équivalent de la Croix-Rouge, créée par les États à la fin de la guerre. Ça, du reste, était dissous dans les années 50. Et cette responsable s'occupait en particulier des petits bébés. Et elle écrit dans son rapport, elle écrit sur moi. Jean-Pierre fut âgé de 20 mois. Il avait un tel manque de réponses que nous avions peur qu'il soit mentalement défectueux, possiblement autiste. Après des tests qui avaient éliminé la possibilité d'une infection, il continua néanmoins à perdre du poids, à rejeter la nourriture. Il sembla juste dépérir. Après les soins spéciaux continus, il devint soudain plus alerte. Ses yeux commencèrent à focaliser avec intérêt sur les personnes autour de lui et sur les jouets qu'on avait pendus sur son berceau. À partir de ce moment-là, son développement fut étonnamment rapide. En moyenne, ça prenait autour d'un an avant que les enfants récupéraient ce qu'ils avaient perdu par le manque des soins et la famine physique et émotionnelle dont ils avaient souffert avant de venir au centre d'accueil pour enfants. En ce qui me concerne, voilà dans quel état j'étais à 20 mois, vous pouvez constater qu'à 75 ans, j'ai pas dépéri depuis. Mais que j'ai eu de la chance. Parce que cette chance-là, les nazis la laissaient pas aux enfants. Il faut pas oublier ça. Parce que tout enfant... enfant handicapé, ils ont pratiqué ça déjà sur les enfants avec des handicaps de famille allemande, qu'ils ont euthanasiés volontairement. Qu'ils ont mis dans un centre, soi-disant. Ils allaient les mettre dans des sanatoriums, et puis là, on les piquait. Et puis après, on envoyait un mot à la famille, comme quoi l'enfant, alors c'était des petits, des ados aussi, n'importe, puis c'était des handicapés, eh bien, était mort d'une bronchite ou quelque chose comme ça. Et des familles n'ont jamais cru à ça. Nous sommes rentrés en France, nous les petits. Je dis petits parce que les ados ne sont pas tous rentrés comme ça. Et la plupart des ados, dans les lieux où je suis passé, c'était des ados qui sortaient des camps. Il ne faut pas oublier ça. Qui sortaient de Dachau, Treblinka, je ne passe pas qu'il y en ait eu, mais de Auschwitz, il y en avait. Et ce sont ces ados-là qui se sont occupés de nous à partir de fin 44, parce que les Allemands qui géraient les Lebensborn se sont enfuis avec les infirmières et ne sont, par exemple, à Steinering à Munich, quand l'UNRWA est arrivée, il restait trois mamans et que des ados. On pensait que ces ados, ils étaient bien gentils tous, mais ils avaient d'autres problèmes que s'occuper de bébés. Alors, si on est là-bas, on n'était pas 20 ou 15 comme à la Morlaix, on était 80 ou 100. C'est là où certains problèmes sur les enfants ont été vus, dont sur moi. Les premiers rappels que j'ai eus, c'est quand la fin du règne de Ceausescu. Et on a vu à la télévision les pouponnières de Ceausescu. Si vous n'avez pas vu ça, regardez-le à nouveau, et vous verrez tous ces enfants accrochés aux barreaux de leur lit en train de se balancer. Et ce balancement est dû, c'est ce qu'on m'a expliqué, on fait du bruit en se balançant, et faisant du bruit, on s'isole. Et quand on est fatigué, on s'endort, sinon on ne s'endort pas. Dans ce reportage, on voit les enfants, soit ils sont debout dans les lits, en train de se secouer, accrochés au barreau, soit ils sont couchés et ils balancent la tête à droite et à gauche, sans arrêt. C'est ce que je faisais. Voilà. Alors ça, c'est... Ma mère a toujours su ça. Mon épouse l'a constaté. Donc ça a réveillé mon épouse. Moi, non. Autrement, c'est les hurlements pour le... Plus maintenant, ça. Hein. Puisque j'étais à l'armée, j'ai tiré au fusil, naturellement. C'était les bruits, les pétards. Enfant, je supportais pas. Donc, dans l'hôpital de Marseille où on habitait, eh bien, je ne sortais pas des murs du jardin. Jamais de l'autre côté, toujours dans le jardin. Autrement, je longeais les murs. Donc, on ne pouvait pas me perdre. Boris Thiollet, au cours de votre enquête, vous avez rencontré différents enfants nés d'un père SS. Est-ce que vous avez constaté des similitudes dans leur ressenti, un sentiment qui vous a paru commun à tous ? Il y a peut-être un trait commun, c'est toujours l'ambivalence qu'il y a par rapport à la quête de leurs origines, parce que, bien évidemment, ceux qui ont entamé des recherches, il y en a qui ne veulent pas savoir, qui n'ont pas cherché à savoir qui étaient leurs parents. Mais ceux qui ont entamé cette recherche, ils sont toujours un peu déchirés entre l'envie de savoir, bien évidemment, de connaître l'identité de la maman, l'identité du papa, avec la crainte de découvrir que papa était un SS potentiel, un criminel de guerre, quelqu'un qui a trempé dans des horreurs. Donc il y a toujours cette chose savoir, mais en espérant qu'on va pas tomber sur le pire des salauds, quoi. Et donc oui, il y a toujours une crainte, il y avait souvent une crainte. Et puis après, il y a ce que je disais aussi, cette chose très difficile d'avoir conscience qu'on a été créé pour servir un projet monstrueux. C'est effectivement, alors que ces enfants sont bien évidemment des victimes, ce sont vraiment des victimes. En fait, c'est une catégorie très particulière, ce sont des victimes vivantes du nazisme. Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Lors des grands procès réservés contre les grands criminels nazis en 1946, on ne juge pas les responsables des Lebensborn pour crimes de guerre, Boris Thiollet. C'est-à-dire qu'on les juge, il y a 4 responsables du Lebensborn qui vont être jugés effectivement à Nuremberg lors d'un grand procès où comparaissent tous les gens qui, dans l'appareil d'État nazi, s'occupaient des questions raciales. Donc le Lebensborn, évidemment, en fait partie. Donc il y a 4 responsables. Et en gros, ils comparaissent, mais ils vont réussir à convaincre les jurés que le Lebensborn n'est pas une organisation criminelle, mais que c'est une association caritative. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai, puisqu'ils disent qu'il permettait, par exemple, à des filles mères ou à des femmes esselées d'accoucher dans les meilleures conditions sanitaires, médicales, et ainsi de suite. Les Lebensborn, les fontaines de vie, eh bien, ces officiers SS vont réussir à faire croire qu'ils sont une association caritative, donc finalement quelque chose de positif. Et ça passe. Ils ont déjà fait de la prison préventive. Ils ont purgé leur peine. On les relâche, ils repartent, ils rentrent chez eux. Voilà, tout simplement. Ils sont pas condamnés pour avoir dirigé, créé le Lebensborn. C'était Les enfants du Lebensborn au manoir de Bois-Laris. Avec Erwin Grinsky et Jean-Pierre Roulet qui ont séjourné à La Morlaix, et Boris Thiollet, journaliste et auteur d'une enquête, La fabrique des enfants parfaits. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Lénora Krief et François Teste. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous terminerons la saison à vélo, mais c'est une autre histoire.